Avant l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, mardi prochain, série Jean Lebrun dans le vif de l'histoire sur les femmes du Panthéon. Alors la femme de Marcelin Berthelot avait trouvé une place au Panthéon parce qu'elle accompagnait son époux. Mais la première à y pénétrer pour ses mérites propres, ce fut Marie Curie avec Pierre, bien sûr. Par la grâce de François Mitterrand qui a présidé à cette occasion une de ses dernières cérémonies en 1995 à l'extrême fin de son mandat. Marie Curie, l'inventrice de la radioactivité, était venue de Pologne à 24 ans, deux fois nobélisée, 1903-1911. C'est une personnalité d'importance au début de la Première Guerre. Quand le gouvernement, l'été 14, prépare le repli à Bordeaux, il lui propose de prendre en charge son étalon du radium, qui valait gros. Elle préfère l'emporter elle-même dans un train et le déposer à Bordeaux, en effet, mais dans un lieu sûr de son propre choix. Elle n'aimait guère l'autorité, mais elle aimait la France. Et elle s'improvise, cette année-là, créatrice d'un corps de radiologie aux armées qu'elle organise à sa façon. La doctrine de l'état-major, au départ, c'était d'évacuer les blessés le plus loin possible à l'arrière. On empaquette, on étiquette, on expédie. Non, soutenait Marie Curie, l'utilisation au plus près du front des rayons X permet de localiser de suite les blessures et de les traiter vite. Ces titres, son autre genre, lui permettent de contourner les interdits du service de santé aux armées, longtemps réticents. Et elle va équiper en 4 ans quelques 20 véhicules automobiles radiologiques, 200 stations radiologiques, et formera plus de 100 manipulatrices. Plus d'un million de personnes blessées vont passer par une structure qu'au départ, elle avait soutenue de sa propre énergie. Pour figurer l'attachement à la nation française, les étrangers sont souvent les mieux placés, d'autant qu'ils n'en font pas un commerce politique. Mais il a été reproché à Marie Curie d'être une étrangère. À cet égard, 1910-1911 furent pour elle des années terribles. Alors 1906 avait déjà été très difficile. Pierre, son mari, meurt accidentellement. Et ses collègues de la Sorbonne, ayant l'élégance de l'élire pour le remplacer, elle prononce sa leçon inaugurale en reprenant le cours de Pierre au mot précis où celui-ci l'avait laissé. Personne, alors, ne parle d'elle comme d'une étrangère. Elle est pour tous la grande dame en noir. En 1910-1911, l'atmosphère va changer. Marie Curie s'est laissée convaincre de se présenter à l'Académie des sciences. Mais si ses travaux lui ont créé des admirateurs, son sexe va lui faire beaucoup d'adversaires. D'autant qu'un grand savant est aussi sur la ligne de départ. Il s'appelle Édouard Branly et il présente des qualités qu'elle n'a pas, notamment auprès des anti-Dreyfusards qui sont toujours nombreux. Français depuis X générations, professeur à l'Institut catholique, il l'emportera d'une voix. Le précurseur de la radio a battu la dame du radium. La dame du radium, la veuve radieuse, non plutôt. Une campagne de presse est en effet lancée contre Marie Curie. La belle-mère du grand physicien Paul Langevin ouvre les hostilités. « Mon gendre, explique-t-elle à l'hebdomadaire xénophobe L'Œuvre, a été capturé par Marie Curie. Elle est devenue sa maîtresse et elle le pousse à abandonner sa femme et ses 4 enfants. » La grande presse embraye. Langevin est traité de « Chopin de la Polonaise ». Marie Curie, de maîtresse de Langevin, devient ogresse. Ogresse juive, parfois. Et sa maison, un jour, est assaillie par des manifestants dehors l'étrangère. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le deuxième prix Nobel. Opportunément, en effet, annoncé par un télégramme le 7 novembre 1911. Néanmoins, le membre de l'Académie Nobel qui a porté son nom lui recommande, le climat étant ce qu'il est, de s'abstenir de venir recevoir le prix. Elle décide cependant de faire le déplacement à Stockholm. Et à son retour en France, elle est longuement hospitalisée, elle ne revient pas dans sa maison, s'installant quai de Béthune. Toute l'année 1912, elle se dissimule. Elle ne revient au premier plan qu'avec la guerre pour aider son pays qui ne lui a pas toujours été aimable. Et la panthéonisation aurait des couleurs de réparation plus tard. Vous direz à propos de Joséphine Baker, elle voulait s'appeler Baker, qu'en Algérie en 1943, après le débarquement des Alliés, il y avait des Français qui avaient adoré Pétain, qui détestaient la voir sur scène quand elle chantait devant les soldats alliés. Pourtant, elle se mettait à genoux pour interpréter « J'ai deux amours, mon pays et Paris », pendant qu'un immense drapeau tricolore tombait des cintres. Eh bien, il arrivait qu'on entende « C'est une étrangère ». Voilà, parallèle entre Marie Curie et Joséphine Baker. Vous y tenez, vous nous avez expliqué pourquoi et la panthéonisation. C'est mardi prochain. Merci Jean. Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Bruno. La Terre au carré, le programme s'il vous plaît. Nous recevons Anne-Larie Gaudry, qui est la secrétaire exécutive de l'IBES pour parler biodiversité. Biodiversité, à tout de suite. France Inter.